bilan ouverture donc par François Buton, qui est collègue, qui est un collègue politiste de notre laboratoire Triangle. Merci beaucoup d'abord à Fanny et Thomas pour l'invitation. Je suis très content d'avoir passé ces deux jours ici à Saint-Étienne. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses aussi, comme vous, j'imagine. Alors, conclure, c'est toujours un peu difficile d'être le dernier à parler. C'est aussi une responsabilité. Difficile parce qu'il faut lutter contre la fatigue, la lassitude, l'envie d'aller boire un verre plutôt que d'écouter quelqu'un qui va pas forcément ajouter grand-chose d'intéressant, on ne sait pas encore. Et puis c'est une parole d'autorité, enfin, supposée en tout cas. Donc c'est sans doute le vieillissement en l'occurrence qui fait qu'il me vaut d'être ici, quoi. Donc c'est pas forcément c'est un honneur, mais c'est médaille, quoi, hein, qu'on donne aux personnes âgées pour leur rappeler qu'ils sont plus tout jeunes. Et en fait, c'est aussi avoir le dernier mot, puisqu'il n'y aura pas de discussion après. Je ne répondrai à aucune question. Après, voilà, c'est fini. Ça s'appelle une conclusion. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez clair. Mais ce sera peut-être plutôt une forme de gribouillis, un peu, pour reprendre le mot de Céline tout à l'heure, même si son gribouillis était plutôt bien dessiné, j'ai trouvé. Ceci dit, sans flagornerie, vraiment. Alors, je ne suis pas vraiment sûr de ma capacité, ou peut-être je suis plutôt sûr de mon incapacité à présenter une conclusion en bonne et due forme. Donc il va citer, qui va évoquer les apports de chacun et chacune. Alors certains collègues sont très forts pour ça, c'est un exercice académique, à savoir un peu conclure des colloques. Moi c'est quelque chose dans lequel je n'excelle pas vraiment. En même temps, comme certains sont partis, c'est pas grave si on n'incite pas, donc je me sens pas assez à l'aise par rapport à ça. Ce qui est plus compliqué déjà, c'est savoir à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse donc aux intervenants, donc à la fois à des collègues et à des professionnels, ou à des militants, ou à des responsables d'associations, donc un public très très varié. Alors en fait, on a vu que la frontière entre connaissance et engagement est perméable, c'est-à-dire que c'est des gens qui, parce qu'ils s'engagent, accèdent à des connaissances et travaillent dessus, et inversement. Ou alors, parler aux étudiants et aux étudiantes, surtout en l'occurrence, et c'est pas vraiment les mêmes publics, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes intérêts éventuellement. Je pense que pour les étudiants en sciences sociales, en tout cas, qui étaient là aujourd'hui, il y avait tout un ensemble de choses au-delà du thème qui étaient très intéressantes pour elles, pour ces étudiantes. Donc la notion d'épistémologie située, ça sera à réfléchir aussi. La question des politiques d'archivage, par exemple, pour ne parler que deux, pour ne prendre que deux exemples. Et je ne suis pas sûr non plus de ma légitimité. Alors là, je vais dire un peu d'où je parle, non pas par égotisme, même si un peu, mais plus parce que c'est une figure imposée que tout le monde a suivie. Je crois que c'est important. C'est un peu heureux de savoir qui parle exactement. Et si je ne suis pas sûr de ma légitimité, c'est parce que ça fait 15 ans, en fait, que je n'ai pas travaillé sur le VIH. Alors, je ne suis plus du tout à la page. Vraiment, je ne suis plus à la page au niveau du vocabulaire. Je me dis, mais personne ne parle de CDAG ici. J'ai mis un temps fou avant de comprendre. Mais non, c'est des CDIG. Donc moi aussi, ça fait très longtemps. En juin 2002, j'étais en Guyane. Moi, je faisais une petite enquête sur la lutte contre le sida. Mais voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé sur le sida. J'ai assez peu publié de travaux sur le sujet. En 2005, j'avais recensé dans un article les travaux sur le monde associatif, hein, donc les grands travaux financés, parce que l'histoire du sida, c'est une histoire de financement aussi beaucoup. Donc il y a beaucoup de travaux financiers, notamment de recherche au monde associatif. Il y avait les grands travaux de Patrice Pinel et son équipe, dans lesquels il y avait Christophe Broca, dont on a parlé d'ailleurs, et puis Nicolas Daudier aussi, Jeannine Barbeau, donc sur le monde associatif, parce que c'était une histoire, enfin l'histoire incroyable du sida est peut-être d'abord celle de son mouvement associatif, je vais en reparler. Et donc j'avais fait ce petit article de nos recherches assez critiques de ces travaux. Et puis j'ai aussi travaillé sur la déclaration obligatoire du VIH. Ça c'est un truc aussi il y a 20 ans. Hein, c'est quand il a fallu passer de la déclaration obligatoire des cas de sida, des cas de maladie, au cas de séropositivité, ce qui posait un nombre considérable de problèmes, notamment de problèmes de confidentialité. Et donc, à l'époque, j'avais travaillé dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'étais davantage acteur, canaliste ou chercheur sur le sida ou sur les politiques de lutte contre le sida, puisqu'en fait, il se trouve que j'ai été, à une époque où il n'y avait pas encore de post-doctorat, enfin pas beaucoup en tout cas, après ma thèse, j'ai été conseiller au Conseil national du sida pendant 2 ans. En 1999-2001, donc, notamment à l'époque de la mise au point très complexe par l'INVS de cette déclaration obligatoire du VIH. Et donc, à ce titre, j'avais participé à des rencontres entre le TRT5 et des laboratoires pharmaceutiques. On avait auditionné de nombreux acteurs et actrices. Je suis à des conférences mondiales sur le sida, je suis à Durban en 2000 par exemple. Donc j'ai vraiment participé pleinement de ce milieu à une position très particulière, très très particulière. Et vraiment une histoire plutôt par le haut, pour le coup, par les experts, par les grands médecins parisiens, par les grands responsables associatifs hein, de AIDE ou de, oh, pas ACT UP, mais l'Arcade Sida, qui à l'époque qui était aussi membre de ce Conseil national du sida, qui était présidé à mon époque par un hémato marseillais qui s'appelait Jean-Albert Gasto. Mais qui avait été au départ dirigé par Françoise Héritier, anthropologue, donc dans laquelle il y avait à la fois des sciences sociales et des médecins. Et en fait, c'est une sorte de réplique du comité d'éthique du CCNE, si vous voulez, sur le sida. Et donc voilà, mon histoire, c'est celle-là. Et donc, c'est une histoire pas du tout périphérique, mais peut-être populaire, je vais y revenir, bizarrement. En tout cas, ce que je veux dire, c'est important, c'est que quand on passe un petit peu dans ce milieu-là, et quand on participe à des manifestations d'ACT UP Paris, par exemple, dans les années 90, ou qu'on, voilà, qu'on, eh bien, on acquiert une sensibilité particulière, je crois, qui reste, qui est un peu rémanente, avec beaucoup de choses. Moi, par exemple, une question qui a toujours été sensible, quand j'écoutais Brigitte tout à l'heure, c'était la question de la confidentialité. Ça a été toujours un élément décisif, et on en parle un peu moins centralement, j'ai l'impression, aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'essentiel. La question de l'égalité entre les personnes vivant avec le VIH et leur médecin traitant, mais pas seulement, et tous les gens auxquels ils peuvent avoir affaire. Donc ce sont des questions très centrales, et la lutte contre le VIH est quelque chose d'extrêmement intéressant et important parce que ça va être touché à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment parce que ça touche à la sexualité, évidemment. On a bien vu à l'instant, la confidentialité est toujours un enjeu. Des gens ne veulent pas aller en CEDIJE. Tout le monde ne revendique pas de manière publique sa sexualité. Et même, je pense que en fait, ceux qui revendiquent de manière publique leur sexualité sont extrêmement peu nombreux et très minoritaires, en fait. Voilà. Donc, je vais revenir sur les trois mots clés, en fait. Je vais réfléchir un petit peu avec tout ce qui a été dit, en fait, sur les trois mots clés de cette journée. Donc, histoire sociale ou et populaire, Saint-Étienne et épidémie. En commençant par épidémie, parce que c'est le plus facile, peut-être, pour moi. On a bien vu tout un ensemble de choses qui sont décisives pour comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'épidémie. Donc, il y a la chronicisation, évidemment, au sens de maladie chronique. On ne meurt quasiment plus du sida quand on a les traitements, mais aussi au sens d'une intégration, d'une normalisation qui est très différente de celle d'il y a 25 ans. Maintenant, c'est vraiment l'intégration dans la santé sexuelle, très manifestement. Donc, au sens beaucoup plus large. Voilà. Et on a également vu, enfin, moi, quand j'arrive dans la lutte contre le sida, c'est bien après la lutte contre la notion de groupe à risque, qui était une notion très critiquée et à raison. Il ne fallait pas parler de groupe à risque, il fallait parler de situation à risque, ce qui est très, très différent. Je pense que c'est relativement intégré, et en même temps, il y a tout un... Ce qui est toujours frappant, c'est à quel point cet espace social de lutte contre le sida charrie tout un ensemble de noms pour désigner des groupes. Je vais y revenir. On voit qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où, en fait, la question de l'information au grand public... elle est toujours aussi importante, puisqu'on se contamine encore. Alors, qui est ce « on » on le sait à peu près, hein. Ou qu'on ne sait pas assez que, effectivement, qui a une charge virale indétectable ne peut pas transmettre le virus. On ne le sait pas encore. Donc, il y a encore toute une série de problématiques qui sont encore très, très enfin, actuelles, qui, en fait, ont toujours existé dans ce monde. Et y compris, par exemple, la question de la stigmatisation. On a parlé de la question des preppers, leur stigmatisation éventuelle. Tous ces débats-là, enfin, sont toujours les mêmes. Enfin, ça n'a pas changé, même si ça affecte d'autres problématiques, d'autres groupes, ou d'autres populations, ou d'autres pratiques, en fait, essentiellement. Donc, on a donné des chiffres, pas beaucoup. Pas beaucoup, pas assez, à mon avis. Moi, je pense qu'il est toujours important d'avoir des éléments, des indicateurs de grandeur de mesure pour mesurer l'ampleur d'un phénomène. Des données. C'est vrai que le sida a été une pathologie, la pandémie a été largement combattue, largement financée. Il faut rappeler, donc, parce que ça n'a quasiment pas été dit, que l'histoire du sida dans les pays occidentaux, c'est l'histoire d'un retard phénoménal dans la prise en charge du problème par l'État et par les politiques. par les gouvernants, et que c'est l'histoire d'un mouvement des patients et de leur entourage qui permet de combler ce retard et qui permet de faire progresser la lutte contre le VIH. Et pourquoi ? Parce que pas seulement c'était des hommes gays blancs, mais comme l'a dit Anne Fraissart, c'était aussi des hommes cultivés et urbains. Autrement dit, c'était des gens qui étaient touchés, qui étaient jeunes et qui étaient socialement dotés. Alors, il y avait aussi les injecteurs de drogue, les gens qui, voilà, par le partage de seringues, il y avait ça. Il y avait aussi des migrants, déjà, parce que un des H était haïtien. Il y avait le cas des hémophiles qui étaient très particuliers, mais globalement, la lutte, ça a été celle de gens relativement dotés socialement et qui aussi ont pu faire alliance avec une fraction du monde médical. Et donc, ce sont des gens qui ne se sont pas laissés faire, qui éventuellement pouvaient reprendre d'ailleurs des savoir-faire de lutte des années 70. Hein, bon. C'était aussi des gens qui étaient déjà politisés pour une partie, et donc qui ont réussi à. Qui ont co-construit finalement un truc qui s'appelle la démocratie sanitaire, qui est par ailleurs vachement en danger. On l'a vu avec le Covid. Bon. Et alors, par rapport à l'épidémie, par rapport au progrès de la recherche, on a parlé de succès, effectivement. Je crois que les progrès ont été phénoménaux, avec deux points que je voudrais. Deux bémols, on va dire. Le premier, c'est, j'ai déjà dit, hein, c'est le côté de la pilule. Enfin, à chaque problème, une solution, et cette solution est une pilule. Plutôt qu'une vision holiste et générale, qui en fait est défendue par les cliniciens, aussi Anne Fraissart en a parlé, parce que on ne peut pas uniquement se contenter d'une pilule. Voilà. Et puis, il y a un autre problème, c'est que la pilule, c'est un traitement individuel. Je vais y revenir, mais c'est très important. Et l'histoire des médicaments. C'est une histoire très compliquée qui n'est pas une histoire de la découverte scientifique, héroïque seulement, à coups de milliards de dollars de recherche. À propos des archives, hier, je disais, attention, les archives, en fait, ils ont une logique de l'étagère. C'est-à-dire qu'on dépose des archives et puis il faudrait d'abord traiter celles qui étaient déjà là, donc on verra. C'est au fur et à mesure que ça se présente. Un des moyens de créer des médicaments, c'est aussi ça. La ZT, c'est une logique de l'étagère. C'est un truc qui n'a pas marché contre quelque chose et qu'on va essayer sur autre chose. Et très souvent, la recherche médicale, c'est ça. Enfin, le médiator, c'est ça, si vous voulez. Hein. Donc, avoir une molécule et puis dire « Oh tiens, si on essayait, on change d'usage, etc. » Pourquoi pas donc, c'est pas... Heureusement, il y a de la recherche scientifique fondamentale, une réflexion qui permet de découvrir des nouvelles choses et qui est très très lente. On l'a vu avec le fameux ARN messager, ça prend du temps. Et il y a des progrès scientifiques, mais aussi une logique beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, qui est, on a un nouveau problème, tiens, si on essayait ça. Et donc, il faut réfléchir aux formules biologiques et à leurs usages. La PrEP, c'est quand même ça aussi. C'est, tiens, mais qu'est-ce que... Et si on essayait, et tu l'as dit, ça a été très tôt, hein, 95, je crois, au début, si on essayait aussi ça en prévention, hein, ce qui pose toute une série de problèmes, mais on ne va pas rentrer dans sur qui on teste les médicaments, par exemple. Pendant très longtemps, on a testé uniquement sur les hommes. Mais après, on s'est dit, ah, mais peut-être que les femmes, et puis les enfants, enfin, bon, bref. Donc, la recherche biologique progresse aussi, mais tout n'est pas... comme bien souvent, d'ailleurs, en sciences politiques, on voit que les politiques ne sont pas tellement des réponses à des problèmes, mais ce sont des réponses déjà prêtes qui voient les problèmes arriver, et hop, opportunité, on va les saisir. De la même manière, ça fonctionne beaucoup comme ça, de manière pratique. Là. Bon. Et deuxième réserve par rapport au succès de la recherche contre le sida, c'est que, évidemment, on est face... La lutte contre le sida a aussi écrasé d'autres problèmes. Ça a été un tel... Il y a eu un tel déploiement de moyens, et à raison, il ne s'agit pas de dire qu'il ne fallait pas le faire, évidemment, mais qu'on en a oublié plein d'autres, y compris, et d'abord ceux du Sud, évidemment. Hein. Et donc, il faut toujours penser en termes de concurrence des problèmes. La question, c'est est-ce qu'on peut vraiment travailler sur une épidémie sans faire une photographie de l'ensemble des problèmes de santé d'un pays, et se dire, bon, ok, ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'on oublie du coup? Et puis alors, juste pour un petit mot par rapport à la fin de l'épidémie, c'est pas la première fois qu'on envisage une éradication. On n'a pas éradiqué grand-chose jusqu'à maintenant, et puis ça risque de revenir. Je ne suis pas sûr que dans 200 ans, l'histoire des antibiotiques ne sera pas une parenthèse, par exemple. Tout a l'air d'y mener. Hein. On est face à une réduction... L'idée des traitements marchent, réduisent la charge virale. c'est décisif, hein, cette histoire, effectivement, de la non-transmissibilité, mais c'est un monde qui est menacé. Enfin, voilà. Le visage de l'épidémie aujourd'hui, c'est aussi un certain président américain qui coupe les fonds de USAID, et ça veut dire déjà dans 50 pays, 40 millions de personnes qui n'ont plus accès à des choses, et notamment en Afrique du Sud, des gens qui n'ont plus leur traitement qu'ils prenaient parce que ça dépendait de l'USAID. Alors c'est pour 90 jours. On peut espérer que ça sera le côté matamor, le côté je montre mes muscles, puis en fait je recule après coup, parce que bon, mais c'est pas sûr du tout. Et sur le USAID, c'est quand même très très inquiétant, surtout que c'est en chaîne. Si ça tombe, plein d'autres choses tombent, quoi. Donc voilà, moi j'ai lu un édito utilisé, quid de la transformation du virus. Alors je suis pas virologue, donc je pourrais pas juger de la qualité de l'argument, mais qu'est-ce qui va se passer si on ne traite plus d'un seul coup des gens qui ont été traités pendant des années? Comment va réagir le virus? Bon. Voilà pour l'épidémie. Deuxième volet, la question de l'histoire sociale, l'histoire sociale et l'histoire populaire. Bon, globalement, vraiment à la hache, l'histoire sociale, c'est dans le développement des sciences historiques, l'histoire des dominés, des minorés, donc des ouvriers et des femmes d'abord. Hein. Alors que l'histoire populaire, c'est un peu autre chose. L'histoire populaire, d'après un historien américain qui s'appelle Howard Zinn, c'était la contribution à l'histoire générale d'un pays des classes populaires. Et puis, il y a aussi eu un bouquin assez important d'un historien qui s'appelle Gérard Noiriel, qui est sorti en 2018, qui s'appelle « Histoire populaire de la France » et qui lui donne une autre notion à cette... une autre définition à cette notion d'histoire populaire. Il dit « Histoire populaire, c'est pas l'histoire des classes populaires, qui est intéressante par ailleurs, mais c'est l'histoire des relations entre les classes populaires et les classes dominantes. Donc c'est l'histoire d'une relation... une histoire qui entend montrer que non, c'est pas vrai que toute l'histoire de France dépend de ce que les élites veulent bien faire, par exemple. C'est pas seulement l'histoire des élites. C'est une histoire des relations entre élites et classes populaires. Et donc ça implique notamment l'État. Et donc, de ce point de vue-là, toute l'histoire du sida, à mon avis, est une histoire populaire. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre l'histoire. On est obligé de faire une histoire populaire du sida. Il faut tenir compte des relations entre, en gros, les associations de patients, le monde associatif, et pas seulement de patients, hein, d'une part, sur un pôle, les médecins, les soignants, et le pouvoir biomédical, et la production aussi de technologies de santé, enfin de la production de médicaments notamment, mais pas seulement, hein, dépistage, etc. Enfin, tout le monde l'a vu avec le Covid. Hein. C'est aussi des tests, des masques, bon, pas que les vaccins ou les traitements. Et puis enfin l'État. Je pense qu'il y a vraiment un pays en plus où on ne peut pas faire l'économie d'étudier l'État, c'est bien la France. Donc c'est l'histoire populaire, c'est intégrer tout ça, les relations entre ces trois pôles. Et ce qui a manqué dans ces journées, je pense, c'est l'État. Alors, il a été invoqué, pas tellement dans le fait qu'il n'y ait pas personne de l'État qui soit venu, je ne sais pas, quelqu'un de l'ARS aujourd'hui, ou un médecin de l'ARS, hein, typiquement, aujourd'hui, ou quelqu'un du ministère, pourquoi pas de la DGS, tout ça. L'État à Saint-Étienne, qui est-ce qui l'incarne aujourd'hui en santé? C'est toute une question intéressante, d'ailleurs, à avoir. Mais, ou qu'il ne l'incarne pas, éventuellement. Hein. J'entends bien les rires. mais alors, il a été cité... Quand on parle de l'histoire du tirage au sort, évidemment que c'est l'État qui est derrière. C'est le ministère de la Santé qui se demande, qui n'ose pas assumer la question et qui la pose à d'autres, comité d'éthique et SNS, justement, qui disent oui, il n'y a pas de raison de ne pas donner un bien rare, enfin de réserver aux médecins traitants le droit, le monopole et le lourd devoir d'attribuer, eux, les traitements. Et donc, il faut le faire au tirage au sort. Une question intéressante, par ailleurs. Bon, mais... L'État est là. Quand on parle des milieux autonomes, par exemple, évidemment que c'est un milieu autonome, notamment par rapport à tout ce qui est État. Alors, est-ce que ça l'est quand on lit Prévost, en fait, on se rend compte que bah, les gens, ils ne sont pas si loin de l'État, parce que c'est compliqué, en fait. C'est très, très difficile. Enfin, moi, je serais assez... moi, je pense que c'est très, très compliqué d'être hors d'État ici, en France. Et l'État et la politique. Et la politique, et là, c'est pareil. Je veux dire, on n'a pas entendu beaucoup de choses sur tous ceux qui sont contre... Ça apparaît un petit peu, mais qui sont contre aujourd'hui. On est face à un mouvement conservateur massif, hein, dans le monde occidental, on va dire, et pas que, parce que l'Inde n'est pas vraiment occidentale. Et on n'a pas beaucoup parlé de... Alors tant mieux, ou alors est-ce que c'est un effet de bulle, d'homophobie, de transphobie, LGBT-phobie, tu en as parlé juste à l'instant d'ailleurs, ou de xénophobie. Et la xénophobie est importante à l'heure où beaucoup, beaucoup de nouveaux, enfin de personnes touchées par le VIH en France sont des migrants ou des gens d'origine étrangère. Et puis, parce que... Alors on y a parlé aussi, je crois que c'est Théo qui a parlé d'entrepreneurs de cause. Il me semble que c'est une notion très importante. Effectivement, il y a des causes, quelles qu'elles soient. Ça peut être l'enfance en danger, la lutte contre l'avortement, ce que vous voulez. Il y a des gens qui sont entrepreneurs de causes, qui vont lutter pour que cette cause soit reconnue, mise à l'agenda et traitée. Et les fonctionnaires, les gens de l'État, à l'intérieur de l'État, font partie de ces entrepreneurs de causes. Et la lutte contre le sida, ça a aussi été le fait de quelques épidémiologistes, fonctionnaires d'État. Hein, Jean-Baptiste Brunet à l'époque, par exemple, mais il y en a d'autres, hein, plein d'autres, qui se sont emparés de ça en disant il y a un problème, il faut que je secoue. Ouais, c'est pas juste les patients héroïques face à l'État indifférent, c'est bien plus compliqué, évidemment, puisqu'il faut, et j'y reviendrai, toujours désessentialiser. Et donc, s'il faut tenir pas seulement le mouvement des patients et le monde médical, mais aussi l'État dans le triangle, c'est aussi parce que ils sont entrepreneurs de cause, à défaut d'être entrepreneurs de mémoire, parce que là, bon, Renaud n'est plus là, mais c'est une question intéressante, c'est que les fonctionnaires n'ont pas à être eux-mêmes entrepreneurs de mémoire. C'est leur institution qui le fait pour eux. Donc, en fait, c'est une question qui se pose quasiment pas, en fait. Ou alors, ils sont militants, mais c'est autre chose. Bon. Et donc, en fait, ce qui a été beaucoup décrit dans ces deux jours, à mon avis, c'est le monde associatif, évidemment, et le monde médical stéphanois. Et j'en viens donc à un troisième point, qui est donc Saint-Étienne. La périphérie. On a beaucoup entendu le mot périphérie pour parler de Saint-Étienne, un peu de la Guyane aussi, voire de Marseille. Enfin, en France, tout ce qui n'est pas Paris, c'est la périphérie de toute manière. Hein, donc, et parfois, c'est juste franchir le périphérique, justement, qu'on est en périphérie. Donc, Saint-Étienne, alors on a entendu pas mal de choses. J'avais commencé à faire une liste, puis en fait, c'est un peu fastidieux, c'est un peu pénible à restituer à l'oral aussi, sur les manières dont Saint-Étienne a été décrite, en fait, depuis deux jours. Et moi, c'est une ville que je ne connais pas. Mais donc, maintenant qu'on est, pour reprendre la jolie expression de Charlotte, loin des années de cendres et des capitales, donc on est loin des capitales aussi, hein, on est à Saint-Étienne, on est loin de Lyon, enfin, on n'est pas à Lyon. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Saint-Étienne, c'est pas la Guyane, même si c'est deux périphéries, hein, évidemment. Et j'ai entendu beaucoup de choses, donc... une ville qui a connu la désindustrialisation, évidemment, une ville de mineurs, une ville et l'armurerie, on n'a pas beaucoup parlé de l'armurerie, bon. Une ville qui connaît des catastrophes, a-t-on dit, qui a beaucoup de spécificités, une ville populaire, vivante, qui résiste. Et effectivement, ce qui est frappant de la point de vue de quelqu'un qui n'y habite pas et qui ne connaît pas du tout la ville, c'est que c'est une ville qui bouge beaucoup politiquement. C'est une ville qui est extrêmement active, même si on en parle éventuellement vers Paris... Berlin, Londres, Barcelone. Et si ça circule avec Lyon, évidemment, Lyon, c'est vraiment... on ne peut pas comprendre complètement Saint-Étienne si on ne comprend pas Lyon. Et même si ça circule aussi dans la campagne environnante, on en a parlé, enfin, les découpages administratifs ou associatifs font que, on travaille pas seulement sur Saint-Étienne, mais éventuellement aussi sur la Haute-Loire ou sur la Loire, enfin sur le département entier. Saint-Étienne, c'est ça. C'est une ville qui est très important, enfin, où il y a une tradition de lutte politique qui a plusieurs origines et qui est extrêmement riche sur le plan associatif. C'est très impressionnant. Je vais commencer par le milieu associatif. C'est très impressionnant, ces histoires de groupes d'eux. Il y a plein de figures qui apparaissent, qui montrent une très grande richesse, une très grande difficulté aussi, parce qu'on a un peu fini là-dessus. Hein, sur la fin d'Actis, la fin du planning familial, c'est pas, on sent que ce monde est précaire, est fragile. Ça dépend beaucoup de subventions, c'est pour ça que je parlais de et qu'est-ce qui se passe au niveau global et qui fait qu'on pourrait avoir des, et même le régional d'ailleurs ici, devenir très compliqué d'un seul coup, mais massivement. Hein. En tout cas, on a entendu beaucoup de choses sur la force de l'engagement, sur la complexité aussi, parce qu'on se moque toujours des sigles. Ah, l'administration, c'est plein de sigles. Le monde associatif, c'est pas mal non plus. Hein. C'est-à-dire, moi, j'avais commencé aussi une liste de toutes les associations qui ont été citées, etc. Alors, il y a le côté non rigolo, hein, ça, il y en a beaucoup, hein, mais il y a aussi beaucoup de sigles. Donc, il y a aussi, c'est un espace qui a forcément aussi des conflits et des désaccords. ils ont été relativement implicites, ils n'ont pas été beaucoup explicités ici. Ça m'a un peu surpris. Dans l'intervention de Renaud Chantraine hier, il a dit à un moment, c'est vrai que la mémoire, c'est l'activité mémorielle, c'est important pour les militants, mais c'est une activité qui est en concurrence avec plein d'autres. C'est vrai que la difficulté aujourd'hui, je pense, de la transmission, parce que c'était un enjeu, un mot qui est revenu aussi beaucoup, hein, transmettre des savoir-faire, transmettre des savoirs, des luttes, les retrouver quand on les a perdus, quand on les a en tout cas pas pratiqués de la même manière, au moins pendant 20 ans. C'est une activité qui prend un temps fou. En fait, on ne peut pas s'occuper de ça. Enfin, il y a parfois des activités vitales, plus urgentes à mener. On ne peut pas travailler là-dessus. Et c'est, à mon avis, quelque chose qu'il faut prendre en compte. Toute personne qui travaille sur le monde associatif sait ce que c'est que l'épuisement militant. Hein, c'est-à-dire que même s'il y a un enjeu entre le bénévolat et le professionnel, c'est un monde qui est extrêmement exigeant et un quotidien qui est très très lourd, qui n'est pas toujours très reconnu spécialement. Hein, être militant associatif, c'est pas être PUPH à l'université. Enfin, c'est pas le même milieu, c'est pas la même forme de reconnaissance sociale. Il faut vraiment savoir, on n'est pas dans un même monde. Quoi. C'est difficile, c'est précaire souvent, et c'est très difficile. Il y a beaucoup d'épuisement, et donc c'est pour ça qu'il y a la transmission, un enjeu permanent. Parce qu'on ne peut pas y arriver si longtemps que ça. Alors, on y arrive parfois à rester 20 à 25 ans, mais globalement, c'est quelque chose qu'on a toujours entendu. On n'a pas entendu le mot burn-out, je crois, pendant ces deux jours. Mais c'est des conditions de travail dans lesquelles on sait très bien que ça existe énormément. C'est très fréquent parce que c'est très exigeant. Et donc je pense qu'il n'y a pas seulement, il faut effectivement transmettre, il y avait une question sur la dimension politique des luttes qu'il fallait transmettre, je pense qu'effectivement c'est une tension permanente dans les milieux, dans les communautés, les groupes, quel que soit le terme qu'on emploie, qu'il faut que ça soit, qu'il y a un savoir-faire aussi politique qu'il faut transmettre et pas seulement un savoir-faire culturel ou pratique, c'est-à-dire que tout est politique quand on est un groupe minorisé ou au sens politique du terme. Et donc, il ne faut surtout pas oublier cette dimension politique. Donc, on a eu une description très riche du paysage associatif, d'un côté, et une description de relations relativement harmonieuses avec le milieu médical, dont on a eu un aperçu moins riche, parce qu'il y avait moins d'intervenants, simplement. Et ce qui m'a frappé... peut-être que je n'ai pas tout compris non plus, mais ce qui m'a frappé, c'est... Je crois que ce qui est important, c'est que c'est un milieu, Saint-Étienne, donc, vous l'avez dit, c'est une faculté de médecine récente. C'est pas rien. Enfin, une faculté de médecine qui date de 68, qui est assez récente. Et donc, c'est un milieu du côté hospitalo-universitaire qui est moins important que les grands centres, Marseille, Lyon, et encore plus Paris. Hein, je veux dire, la PHP, c'est qu'un espèce de monstre, c'est une espèce de, si vous voulez, c'est le donjon, si vous voulez, c'est une sorte de forteresse avec des querelles incroyables, un monde extrêmement dur, de concurrence impitoyable. Je pense que dans des petites villes, au niveau hospitalier, c'est pas la même configuration. Il y a des conflits, évidemment, mais il y a aussi des formes de solidarité qui permettent aussi. Et puis des formes de place dans la ville qui font que les relations sont finalement plus étroites avec le monde associatif. J'ai eu cette impression d'un monde cohésif qui a eu du mal au début. Enfin, l'histoire des préfabriqués dans lesquels vous travaillez et dans lesquels donc tout infectieux se pratique, si j'ai bien compris, c'est pas rien au début, effectivement. C'est-à-dire, Alors, pour le coup, moi, ça m'a fait un peu sauter sur ma chaise de quelqu'un, encore une fois, qui a un espèce de programme des années 90 en tête. Hein, donc, la confidentialité, mais c'était quoi, du coup hein. J'étais un peu... de ce point de vue-là, je pense que c'est presque une chance d'avoir un monde médical qui peut travailler, parce qu'une file active importante, mais pas impossible à gérer, on va dire, avec une montée en puissance... je parle pas de la première décennie, évidemment, hein, mais bon, ensuite. Et je pense que c'est un élément assez important, avec la question qui n'a pas été beaucoup traitée, mais bon, Thomas l'a posée à la fin, donc des médecins généralistes, où là, on est effectivement, on parle de désertification médicale, on parle de, d'un maillage essentiel, mais qui a un peu de mal, effectivement, à traiter. C'est la question, d'autant plus que la question n'est plus celle seulement du VIH, mais celle des IST en général, donc de la santé sexuelle en général. Bon. On a bien vu, et effectivement, je suis assez convaincu que les médecins généralistes, de manière générale, ne sont pas les meilleurs interlocuteurs pour parler de santé sexuelle. Mais comme disait, je ne sais plus qui, je crois que c'est Jacques Audiard, que les médecins s'occupent de mes maladies. Moi, je m'occupe de ma santé. Donc la question, c'est est-ce que la santé est uniquement l'affaire des médecins? Et elle ne l'est assurément pas. Elle ne l'a jamais été historiquement. La santé, c'est un savoir d'administrateur, c'est un savoir d'ingénieur aussi pour l'assainissement, etc. Donc les médecins ont un rôle à jouer, évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils... Mais ce sont, à mon avis, même pas forcément les principaux acteurs. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'expériences convaincantes de santé communautaire sans médecins. Non, il y en a eu. Donc, évidemment, et au passage, ce qu'on oublie toujours, alors c'était un tout petit peu évoqué à la fin, c'est, dans ce pays très libéral, du point de vue de la médecine qui est la France, c'est la médecine collective. Médecine scolaire, médecine universitaire, médecine pénitentiaire, médecine au travail. Ce sont les enfants pauvres de la médecine en France. Pourquoi ? Parce que le paradigme libéral et l'organisation libérale des médecines françaises ne date pas d'aujourd'hui. Elle est assez ancienne et elle a toujours été opposée à ces médecines collectives et donc aussi, d'ailleurs, du coup, à la santé publique. C'est pour ça que la France, qui a été le grand pays de la santé publique au XIXe siècle, est devenue un pays très pauvre en santé publique qu'il a fallu tout reconstruire progressivement à partir des années 80. 90. Et juste un point par rapport à l'exercice de la médecine, mais c'est une remarque comme ça, je ne sais pas trop pourquoi je l'ai mise d'ailleurs, je n'avais pas de rapport, je saute du coq à l'âne et même de je ne sais pas quoi, mais le Covid a été un épisode incroyable parce qu'on a vu fonctionner les équipes médicales et on a vu comment ça fonctionnait les équipes médicales quand il n'y avait plus de problème d'argent. Et quand il n'y avait pas les gestionnaires sur le dos. Ça change beaucoup de choses, et c'est intéressant. Alors évidemment, c'est valable partout. Hein. Je veux dire, si vous dites aujourd'hui, allez, on donne 10 milliards à l'université, et repensez-moi tout ça, mais on sera ravis, je pense, de le faire, et on fera des choses super. Malheureusement, c'est plutôt ça, c'est plutôt rendez-nous 50 millions par-ci, rendez-nous... Bon, donc on n'est pas du tout... Le quoi qu'il en coûte n'existe pas à l'université, par exemple, depuis 30 ans, peut-être. Depuis 25 ans. Donc... Ouais, effectivement, je ne sais plus qui avait mentionné la sécurité sociale comme élément décisif pour comprendre ce que c'est que la situation française. Mais si on avait, par exemple, une sécurité sociale de l'enseignement, eh bien, je pense qu'on aurait un autre niveau aussi d'éducation en France, etc. Tiens, on rembourse tous les... L'État rembourse tout ce que les gens veulent avoir comme prestation d'enseignement. Bon. C'est... Voilà. Alors, pour finir, ou quasiment finir, on a dit, moi je suis très long, on a dit plusieurs fois, l'enjeu principal c'est la composition sociale de la population et aussi des gens qui luttent contre le sida. C'est-à-dire qu'en sociologue, on a tendance un peu quand même à revenir aussi à ça. On a dit plusieurs fois, mais on voit à quel point c'est un combat permanent qu'il ne faut pas essentialiser les groupes. Il n'y a pas une essence de l'homosexualité ou de la féminité. Ce sont des catégories politiques qui sont définies politiquement. Les mots sont importants et ils sont construits. Et lutter pour les bons mots, c'est lutter aussi pour faire changer la réalité. C'est très important. On voit à quel point aujourd'hui des nouvelles catégories de pratiques, hein, chez les chemsex, la PrEP, de nouveau attirent des, enfin, sont l'objet de processus de discrimination, de stigmatisation. Voilà, qui sont assez classiques, en fait. Hein. Donc c'est très important de prêter toujours attention à ça et donc de ne pas essentialiser, de ne pas toujours chercher derrière le substantif une substance. Hein, voilà. Il y a des très grandes variétés de pratiques et d'identités et de complexité des identités sociales chez les hommes, les femmes, les trans, ce que vous voulez. Alors pourquoi c'est important de comprendre qui est atteint, parce que, enfin, c'est... Alors on a parlé un peu à cette tire, on a eu des données un peu en kaléidoscope, hein, sur qui étaient les gens atteints par le VIH à Saint-Étienne. Parce que, je fais un petit détour, la valeur sociale supposée ou attribuée aux gens n'est pas la même. une vie ne vaut pas une vie, et je ne parle pas du tout là, du conflit israélien entre Israël et Gaza, par exemple. On voit bien qu'un otage en vaut 50, puis une vie en vaut 400, je crois, je ne sais plus combien on est. Enfin, un mort, plutôt. Mais c'est pareil. Pensez à l'histoire des drogues, très rapidement. Le crack, comparé à l'épidémie de crack et de fentanyl. Si le crack a été largement oublié pendant des années aux États-Unis, c'est parce que ça touchait les Noirs américains. Si aujourd'hui, la crise de puits, notamment du fentanyl, est très au sérieux, c'est parce que ça touche beaucoup les Blancs. Donc, c'est très important de savoir qui est touché par une épidémie, parce que l'intérêt de la science, de la médecine, du pouvoir et des politiques ne sera pas le même. Et Charles a dit à un moment, il faut faire la place à tout le monde. Et effectivement, donc, on le sait, la maladie a d'abord donc, été une maladie de personnes plutôt dotées socialement, je l'ai déjà dit. Et aujourd'hui, si c'est si le virus est globalement maîtrisé, enfin, non, maîtrisé, il n'est pas du tout maîtrisé, mais si on peut agir sur le virus au niveau des corps individuels, l'épidémie est en train de changer. C'est une épidémie de pauvres, de gens plutôt pauvres, minorisés, stigmatisés. Et je pense que c'est un monde que les catégories, ou les publics, comme on dit, mais les catégories épidémiologiques ne permettent pas de comprendre. C'est quoi une femme venant de l'étranger ? Bon, où est-ce qu'elle a été contaminée ? Est-ce que c'est on sait que c'est pas à l'étranger, en fait. Donc je pense qu'il faut avoir une vision beaucoup plus fine, en fait, des personnes touchées pour comprendre. Moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment... on a bien compris que... En fait, il y a plein de gens qui ont pu vivre avec le VIH à Saint-Étienne de manière discrète, sans souffrir trop, en continuant à travailler. Hein, vous l'avez dit vous-même. Et c'est le cas pour une certaine partie de la population, et pas pour toutes. Il y a une partie de la population qui, elle, ne peut pas... qui n'a pas le capital social, on dit en sociologie, n'a pas les réseaux. La famille, d'abord, on n'a quasiment pas prononcé le mot de famille. Hein. La famille immédiate, les gens qui peuvent protéger, qui peuvent aider. Et donc, du coup, bah, il faut qu'ils ont besoin d'un réseau associatif, ils ont besoin de médecins généralistes, de médecins traitants, etc. Ils sont dans, voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, si on considère vraiment qu'aujourd'hui, l'épidémie de sida, bah, elle touche des gens de plus en plus fragiles, vulnérables, eh bien, l'action associative, cette aller vers dont vous avez parlé, c'est outreach, est très très important. Et très important pourquoi ? Parce qu'il y a encore beaucoup à faire pour lutter de manière générale contre ce qu'on appelle les inégalités de santé. Et je finirai là-dessus. Les inégalités de santé, c'est pas seulement, comme beaucoup de médecins le croient, des inégalités d'accès aux soins. C'est important, les inégalités d'accès aux soins, les déserts médicaux, etc., attendre très longtemps pour voir un médecin ou un spécialiste, etc., c'est très important. Mais les inégalités sociales de santé, ça dépend pas... C'est pas seulement lié au système de soins. C'est le fait que certains individus, effectivement, ont moins de chances d'être en bonne santé et ont plus de risques de mourir ou d'avoir une maladie grave. Et ça... C'est pas en les prenant en charge individuellement qu'on va résoudre les problèmes, parce que la santé, justement, c'est pas une question seulement de avoir ou pas des maladies, c'est des politiques qui prennent en compte davantage l'environnement. En gros, toute l'épidémiologie aujourd'hui, et là pour le coup je parle de ce que je connais, parce que j'ai vraiment travaillé là-dessus, tend à individualiser la prise en charge et les causes. Hein, c'est les comportements individuels qui vont pas. Donc on revient à une espèce de pratique à risque, pas net. Enfin, voilà. Vous buvez de l'alcool, vous fumez des clopes, ce que vous voulez. Bon. Donc vous êtes responsable de votre corps. Sauf qu'en fait, les inégalités de santé, elles dépendent de l'environnement. Elles dépendent de choses beaucoup plus compliquées. C'est plus simple de dire aux gens arrêtez de bouffer mal, arrêtez de fumer, arrêtez de boire de l'alcool, que de résoudre les problèmes de logement, que de résoudre les problèmes de pollution, de nutrition, que d'avoir des politiques de lutte contre l'immigration qui, en fait, aggravent la situation sanitaire des gens et donc seront des facteurs de retour d'épidémie. Ou encore, c'est beaucoup plus compliqué pouvoir lutter contre les problèmes de santé de tous ceux et toutes celles qui n'appartiennent pas à l'ordre hétérosexué, le plus normatif qui soit, eh bien, ça passe déjà par des politiques dites inclusives, et il me semble quand même, hélas, que, encore une fois, pour revenir à ce qui se passe autour de nous, c'est pas vraiment à la mode, hein, c'est pas l'égalité, la diversité, l'inclusion, c'est pas ce qui aujourd'hui attire le plus l'attention. Donc, je pense que la lutte, qu'il faut transmettre une lutte, c'est aussi celle-là. C'est l'idée de sortir la santé d'une spécificité pour la réintégrer dans toutes les... pour la remettre dans une matrice générale qui comporte bien d'autres choses qui sont l'éducation, le logement, le travail. Donc la santé au travail, la santé au logement et des politiques qui sont des politiques de tolérance plutôt que de l'exclusion.